Colette était bien pâle quand elle vint à la messe. Ses joues étaient encore plus minces. Elle se tenait les yeux baissés et ses paupières étaient toutes violettes. Je pensais que c'était la fin de son martyre et une joie profonde me soulevait. Tout près de moi, une vierge vêtue d'une grande robe blanche souriait en me regardant, et dans un élan de toute ma foi, ma pensée lui cria « Miroir de justice, guérissez Colette !» Et les tempes serrées par la volonté de ne pas distraire ma pensée, je répétai « Miroir de justice, guérissez Colette !» Maintenant, Colette s'en allait communier. Sa canne faisait un petit bruit sec sur les dalles. Quand elle se fut agenouillée, celle qui l'avait accompagnée revint avec la canne, tant elle était sûre qu'elle serait inutile. Ce fut lamentable. Colette essaya de se mettre debout et retomba sur les genoux. Sa main tâtonna pour prendre sa canne, et ne la trouvant pas, elle fit un nouveau mouvement pour se lever. Elle se cramponna à la sainte table et s'accrocha au bras d'une sœur qui communiait près d'elle. Puis ses épaules balancèrent, et elle s'écroula en entraînant la sœur. Deux des nôtres se précipitèrent et traînèrent la pauvre Colette jusqu'à son banc. Pourtant, j'essayai encore, et jusqu'à la fin de la messe, j'attendis le tédéum. Aussitôt que cela me fut possible, je rejoignis Colette. Elle était entourée des grandes qui essayaient de la consoler, en lui conseillant de se donner à Dieu pour toujours. Elle pleurait doucement, sans secousse, la tête un peu penchée, et ses larmes tombaient sur ses mains, qu'elle tenait croisées l'une sur l'autre. Je m'agenouillai devant elle, et quand elle me regarda, je lui dis « Peut-être qu'on peut se marier malgré qu'on est infirme. » L'histoire de Colette fut bientôt connue de toute la maison. Il y eut une tristesse générale qui empêcha les jeux d'être bruyants. Ismery croyait m'apprendre une grande nouvelle en me racontant la chose. Ma camarade Sophie me dit qu'il fallait se soumettre aux volontés de la Vierge, parce qu'elle savait mieux que nous ce qui convenait au bonheur de Colette. J'aurais bien voulu savoir si sœur Marie-Aimée avait été avertie. Je ne la vis que dans l'après-midi à l'heure de la promenade. Elle n'avait pas l'air triste. On aurait plutôt dit qu'elle était contente. Jamais elle ne m'avait paru aussi jolie. Tout son visage resplendissait. Pendant la promenade, je remarquai qu'elle marchait comme si quelque chose l'eût soulevée. Je ne me rappelais pas l'avoir jamais vue marcher comme cela. Son voile s'envolait un peu aux épaules, et sa guimpe ne cachait pas complètement son cou. Elle ne faisait aucune attention à nous. Elle ne regardait rien. On eût dit qu'elle voyait quelque chose. Par instants, elle souriait, comme si quelqu'un lui eût parlé antérieurement. Le soir, après dîner, je la retrouvai assise sur un vieux banc qui touchait à un gros tilleul. Monsieur le curé était assis près d'elle, le dos appuyé contre l'arbre. Ils avaient l'air graves. Je croyais qu'ils parlaient de Colette, et je m'arrêtai à quelques pas d'eux. Sœur Marie-Aimée disait, comme si elle répondait à une question. « Oui, à 15 ans. » Monsieur le curé dit, « À 15 ans, on n'a pas la vocation. » Je n'entendis pas ce que répondit sœur Marie-Aimée, mais le curé reprit. « À 15 ans, on a toutes les vocations. Il suffit d'un geste affectueux ou indifférent pour vous éloigner ou vous encourager dans une voie. » Il fit une pause et dit plus bas. « Vos parents ont été bien coupables. » Sœur Marie-Aimée répondit. « Je ne regrette rien. » Ils restèrent longtemps sans parler. Puis sœur Marie-Aimée leva le doigt, comme pour une recommandation, et dit « En tout lieu, malgré tout et toujours. » Monsieur le curé étendit un peu la main en riant, et il dit aussi « En tout lieu, malgré tout et toujours. » La cloche du coucher sonna tout à coup, et monsieur le curé disparut dans les allées de tilleul. Pendant longtemps, je me répétais les mots que j'avais entendus. Mais jamais je ne pus les associer à l'histoire de Colette. Colette ne comptait plus sur un miracle pour s'en aller. Et pourtant, elle ne pouvait se résigner à rester dans cette maison. Quand elle vit partir, une à une, toutes celles qui avaient son âge, elle commença de se révolter. Elle ne voulut plus aller à confesse ni communier. Elle allait à la messe parce qu'elle chantait et aimait la musique. Je restais souvent près d'elle pour la consoler. Elle m'expliquait que le mariage, c'était l'amour. Sœur Marie-Aimée, qui était souffrante depuis quelque temps, tomba tout à fait malade. Madeleine la soignait avec dévouement et nous dirigeait à tort et à travers. Elle s'acharnait particulièrement sur moi, et quand elle me voyait lasse de coudre, elle disait, en essayant de prendre un air hautain, « Puisque mademoiselle n'aime pas la couture, elle n'a qu'à prendre le balai. » Elle s'avisa un dimanche de me faire nettoyer les escaliers pendant l'heure de la messe. Nous étions en janvier. Un froid humide venant des couloirs montait les marches et pénétrait sous ma robe. Je balayais de toutes mes forces pour me réchauffer. Les sons de l'harmonium venaient de la chapelle jusqu'à moi. Par instants, je reconnaissais les notes aigres et perçantes de Madeleine et les éclats saccadés de monsieur le curé. Je suivais la messe d'après les chants. La voix de Colette monta tout à coup. Elle était forte et pure. Elle s'élargit, couvrit les sons de l'harmonium, domina tout, puis elle s'envola par-dessus les tilleuls, par-dessus les maisons, plus haut que le clocher. J'en ressentis un grand frisson, et quand la voix redescendit, et un peu tremblante, quand elle fut rentrée dans l'église et étouffée par les sons de l'harmonium, je me mis à pleurer avec des hoquets, comme une toute petite fille. Puis la voix pointue de Madeleine perça de nouveau, et je balayai à grands coups, comme si mon balai devait effacer cette voix qui m'était si désagréable. Ce jour-là, sœur Marie-Aimée me fit appeler près d'elle. Il y avait bien 2 mois qu'elle n'était pas sortie de sa chambre. Elle commençait d'aller mieux, mais je remarquais que ses yeux ne brillaient plus du tout. Ils me faisaient penser à un arc-en-ciel presque fondu. Elle me fit raconter les petites histoires drôles qui s'étaient passées. Elle voulait sourire en m'écoutant, mais sa bouche ne se relevait que d'un seul côté. Elle me demanda aussi si je l'avais entendu crier. Oh oui, je l'avais entendu. C'était pendant sa maladie. Elle avait poussé des cris si épouvantables au milieu de la nuit que tout le dortoir en avait été réveillé. Madeleine allait et venait. On l'entendait remuer de l'eau. Et comme je lui demandais ce qu'avait sœur Marie-Aînée, elle m'avait répondu tout en courant. « Des douleurs !» J'avais aussitôt pensé que bonne Justine avait aussi des douleurs. Mais jamais elle n'avait crié comme cela, et j'imaginais les jambes de sœur Marie-Aimée 3 fois plus enflées que celles de bonne Justine. Les cris étaient devenus de plus en plus forts. Il y en avait eu un si terrible qu'il semblait lui sortir des entrailles. Ensuite, on avait entendu quelques plaintes, puis plus rien. Au bout d'un moment, Madeleine était venue parler à Marie Renaud. Aussitôt, Marie Renaud avait mis sa robe et je l'avais entendue descendre. Un instant après, elle était revenue avec monsieur le curé. Il était entré précipitamment dans la chambre de sœur Marie-Aimée et Madeleine avait vite refermé la porte sur lui. Il n'était pas resté longtemps, mais il s'en était retourné bien moins vite qu'il n'était venu. Il marchait en baissant la tête, et sa main droite ramenait un pan de son manteau sous son bras gauche, comme s'il voulait préserver une chose précieuse. Je pensais qu'il remportait les saintes huiles, et je n'osais pas lui demander si sœur Marie-Aimée était morte. Je n'avais pas oublié non plus le coup de poing que j'avais reçu de Madeleine lorsque je m'étais accroché à sa jupe. Elle m'avait renversé en disant très bas et très vite « Elle va mieux !» Le jour où sœur Marie-Aimée fut guérie, Madeleine perdit son arrogance et tout rentra dans l'ordre. J'avais toujours la même répugnance pour la couture et sœur Marie-Aimée commençait à s'en inquiéter. Elle en parla devant moi à la sœur de monsieur le curé. C'était une vieille demoiselle qui avait une longue figure et de grands yeux fanés. Elle s'appelait mademoiselle Maximilienne. Sœur Marie-Aimée disait combien elle était inquiète de mon avenir. Elle trouvait que je prenais les choses avec une grande facilité, mais qu'aucun travail de couture ne m'intéressait. Elle avait remarqué, depuis longtemps, que j'aimais l'étude. Alors elle s'était informée s'il ne me restait pas quelques parents éloignés qui auraient pu se charger de moi. Mais il ne me restait qu'une vieille parente qui avait déjà adopté ma sœur et refusé de s'occuper de moi. Mademoiselle Maximilienne offrit de me prendre dans son magasin de mode, et monsieur le curé trouva que c'était une très bonne idée. Il ajouta qu'il se ferait même un plaisir de venir deux fois par semaine afin de m'instruire un peu. Sœur Marie-Aimée paraissait vraiment heureuse. Elle ne savait comment exprimer sa reconnaissance. Il fut convenu que j'entrerais chez Mademoiselle Maximilienne aussitôt que Monsieur le curé serait de retour d'un voyage qu'il devait faire à Rome. Sœur Marie-Aimée allait s'occuper de mon trousseau et Mademoiselle Maximilienne irait trouver la supérieure pour obtenir la permission. L'idée que la supérieure allait s'occuper de moi me causa un véritable malaise. Je ne pouvais m'empêcher de penser au mauvais regard qu'elle lançait de notre côté quand elle passait près du vieux banc où venait s'asseoir Monsieur le curé. Aussi, j'attendais avec impatience la réponse qu'elle donnerait à Mademoiselle Maximilienne. Monsieur le curé était parti depuis une semaine, et sœur Marie-Aimée m'entretenait chaque jour de mon nouvel emploi. Elle me disait combien elle serait contente de me voir le dimanche. Elle me faisait 1000 recommandations et me donnait toutes sortes de conseils au sujet de ma santé. Un matin, la supérieure me fit demander. En entrant chez elle, je vis qu'elle était assise dans un grand fauteuil rouge. Des histoires de revenants que j'avais entendu raconter sur elle, me revint à la mémoire. Et à la voir, toute noire au milieu de tout ce rouge, je la comparais à un monstrueux pavot qui aurait poussé dans un souterrain. Elle abaissa et releva plusieurs fois les paupières. Elle avait un sourire qui ressemblait à une insulte. Je sentis que je rougissais très fort, et malgré cela, je ne détournais pas les yeux. Elle eut un petit ricanement et dit « Vous savez pourquoi je vous ai fait appeler ?» Je répondis que je pensais que c'était pour me parler de Mademoiselle Maximilienne. Elle ricana encore. « Ah oui, Mademoiselle Maximilienne. Eh bien, détrompez-vous. Nous avons décidé de vous placer dans une ferme de la Sologne. » Elle ferma les yeux à demi pour me dire « Vous serez bergère, mademoiselle. » Elle ajouta en appuyant sur ces mots. « Vous garderez les moutons. » Je dis simplement « Bien à ma mère. » Elle remonta des profondeurs de son fauteuil et demanda « Vous savez ce que c'est que garder les moutons ?» Je répondis que j'avais vu des bergères dans les champs. Elle avança vers moi sa figure jaune et reprit « Il faudra nettoyer les étables, cela sent très mauvais, et les bergères sont des filles malpropres. Puis vous aiderez aux travaux de la ferme, on vous apprendra à traire les vaches et à soigner les porcs. » Elle parlait très fort, comme si elle craignait de n'être pas comprise. Je répondis comme tout à l'heure. « Bien, ma mère. » Elle se haussa sur les bras de son fauteuil, et en me fixant de ses yeux luisants, elle dit encore. « Vous n'êtes donc pas fière ?» Je répondis d'un air indifférent. « Non, ma mère. » Elle parut profondément étonnée. Mais comme je continuais de sourire avec indifférence, sa voix devint moins dure pour me dire « Vraiment, mon enfant, j'avais toujours cru que vous étiez orgueilleuse. » Elle se renfonça dans son fauteuil, cacha ses yeux sous ses paupières et se mit à parler d'une voix monotone, comme quand elle récitait les prières. Elle disait qu'on devait obéir à ses maîtres, ne jamais manquer à ses devoirs de religion, et que la fermière viendrait me chercher la veille du jour de la Saint-Jean. Je sortis de chez elle avec des sentiments que je n'aurais pu exprimer. Mais ce qui dominait en moi, c'était la crainte de faire de la peine à sœur Marie-Aimée. Comment lui dire cela? Je n'eus guère le temps de la réflexion. Elle m'attendait à l'entrée de notre couloir. Elle me saisit aux épaules, et en baissant son visage vers le mien, elle dit « Eh bien !» Elle avait un regard inquiet qui commandait la réponse. Je dis tout de suite « Elle ne veut pas, et je serai bergère. » Elle ne comprit pas, elle fronça les sourcils. « Comment cela, bergère ?» Je repris très vite. « Elle m'a trouvé une place dans une ferme, et puis je trairai les vaches et je soignerai les porcs. » Sœur Marie-Aimée me repoussa si violemment que je me cognai au mur. Elle s'élança vers la porte. Je crus qu'elle courait chez la supérieure, mais elle ne fit que quelques pas dehors. Elle entra et se mit à marcher à grands pas dans le couloir. Elle serrait les poings et frappait du pied. Elle tournait sur elle-même et respirait fortement. puis elle s'adossa contre le mur, laissa tomber ses bras comme si elle était accablée, et d'une voix qui semblait venir de loin, elle dit « Elle se venge. Ah oui, elle se venge !» Elle revint vers moi, me prit affectueusement les mains et demanda « Tu ne lui as donc pas dit que tu ne voulais pas? Tu ne l'as donc pas supplié de te laisser aller chez Mademoiselle Maximilienne ?» Je secouai la tête pour dire non, et je répétai tout à la file, avec les mêmes mots, tout ce que m'avait dit la mère supérieure. Elle m'écouta sans m'interrompre, puis elle me recommanda le silence auprès de mes compagnes. Elle pensait que cela s'arrangerait aussitôt que monsieur le curé serait de retour.